Eh ben, Marilyn, vous êtes une passionnée. Passionnée? Non mais moi, tout me saoule. Hein. Allez, à la semaine prochaine.